base rêve pour toi et moi et toi. Et qu'est-ce que tu dis si on restait ensemble? Parce que notre amour est là pour toujours. Et toi, qu'est-ce que tu dis si on restait ensemble? Parce que notre amour est là pour toujours. Hey mon amour, qu'est-ce que tu dis si on restait ensemble? Restons ensemble et oublions nos problèmes, parce qu'on s'aime tous les deux, toi et moi. Je t'aime. Eva. Je veux que mon cœur soit ta maison, que mon cœur soit ta maison, et que tu y vives éternellement, et que tu y vives éternellement. Et toi, dis-moi que c'est vrai que tous les deux on s'aime, que c'est vrai passerait pour toi et moi et toi. Et qu'est-ce que tu dis si on restait ensemble? Parce que notre amour est là pour toujours. Notre amour va continuer même si on est éloigné, parce que ce que je veux c'est d'être avec toi. Et ne me laisse pas et moi je serai là, et pour moi aussi tu seras là. Je veux que mon cœur soit ta maison, que mon cœur soit ta maison, et que tu y vives éternellement, tu y vives éternellement. Je serai là, je serai là, je serai là, je serai là. Dédicace pour vous les amoureux. On parle. Dans mes pensées, auprès de moi.